Bilan, page 64. Alain, je peux prendre le journal qui est sur ton bureau ? Oui, mais tu me le rends. C'est celui du directeur. Et puis franchement, il n'est pas très intéressant. Oh, je sais. Mais le vendredi, c'est le jour où il y a le programme culturel de la semaine. Ah, voilà. Ce soir, il y a un concert de jazz sur la place de la Comédie. Pas mal. Tu ferais mieux de rester chez toi, Sabine. Tu as vu le temps qu'il fait ? Oh, il pleut un peu, mais ça va s'arrêter. Si j'étais à ta place, je prendrais un parapluie. On ne sait jamais. Tu ne voudrais pas venir avec moi ? Sûrement pas. Demain matin à 7h, j'ai rendez-vous au port de Palavas pour une journée de pêche. C'est la raison pour laquelle ce soir, je me couche tôt. Tu crois vraiment que tu vas prendre du poisson ? Pourquoi pas ? Tu as oublié celui qu'on avait pêché l'année dernière avec Nicolas ? C'est difficile de l'oublier. Vous en parlez 3 fois par semaine. Tiens, il y a une soirée africaine au Café International jeudi. Ah, ça m'intéresse. Quel est le programme ? Alors, danse, cours de musique africaine et repas. Et tout ça pour 25 euros seulement. Ce n'est pas cher. Mais le Café International, ce n'est pas celui dont on voit la publicité partout ? Oui, c'est un café dont on parle beaucoup en ce moment. Ah, alors je vais y réfléchir. Pourquoi ? Ça pourrait être sympa d'y aller ensemble. Non, je n'aime pas les endroits à la mode. Il y a trop de monde.